Dossier 11. Deuxième partie. Un amateur éclairé. Sur la place du village, Bernard essaie de faire démarrer sa voiture, sans succès. Raymond et Joseph le regardent. Il doit avoir des problèmes de batterie. Ça ne peut pas être la batterie, puisque le démarreur fonctionne. Alors c'est probablement les bougies. Bernard sort de la voiture et ouvre le capot. Raymond et Joseph s'approchent de lui. Vous avez un problème ? On peut vous aider ? Je ne sais pas ce qui se passe. Elle marchait bien hier soir. Ça ne serait pas l'arrivée d'essence qui se ferait mal ? C'est une chose à laquelle il faut toujours penser. Je ne comprends pas. Je viens de faire réviser ma voiture. C'est comme pour les gens. Un jour, on est en bonne santé, et le lendemain... Arrête, ça ne va pas aider Bernard, tes histoires. Mais dites, ce n'est pas aujourd'hui votre vernissage ? Mais si, justement. J'allais chercher les tableaux. Une autre voiture arrive et s'arrête. Patrick Duval en descend et s'approche de Bernard. Des problèmes, Bernard ? Oui. Ma voiture ne veut pas démarrer et je dois aller chercher les tableaux. Eh ben, heureusement que je passais par là, hein. Allez, viens, on va aller chercher ensemble tes tableaux. Allez. Dans la salle du café, quelques personnes sont en train de regarder les tableaux exposés. Sébastien, l'artiste peintre, explique ses nouvelles recherches. Ce tableau est le premier de ma nouvelle série. Ce que je voudrais, c'est que les visiteurs expriment ce qu'ils ressentent et qu'ils laissent parler leur imagination. Vous comprenez ? Personne n'ose donner son interprétation. Joseph prend du recul. Pour moi, c'est les énormes vagues du Cap Horn quand le soleil se lève et que la lumière se reflète sur l'eau. On dirait un feu d'artifice. C'est ça. C'est tout à fait ça. Cher monsieur, vous avez parfaitement traduit ce que j'ai voulu exprimer. Eh bien, Joseph, ça alors.